Charles aime sa femme, il en est fou. Sans cesse il brame son nom, se le tatoue sur le dos, sur les joues. Soupire des clames, roule des yeux doux sur le macadam. Il en parle à ses amis, il en parle à ses voisins, il en parle à ses cousins qui vivent dans le midi. Mais tous murmurent in petto susurre. Charles, Charles, Charles, Charles, elle aime ailleurs. Charles, Charles, Charles, Charles, un autre a son cœur. Sa flamme est si vive qu'il fait poster sous la croisée de sa moitié un détective privé, puis il la prive de liberté. Il la cache à ses amis, il la cache à ses voisins, interdit à ses cousins de remonter du midi, et se répète en secouant la tête. Charles, Charles, Charles, Charles, elle est meilleure. Charles, Charles, Charles, Charles, un autre a son cœur. La belle s'ennuie et chaque nuit ses yeux se rivent sur le détective qui, quant à lui, trouve la captive jolie et grince des gencives. Elle lui fait des avances, il hésite à dire oui. Elle nous dédrale et lui lance, il la rejoint à minuit. En l'embrassant, il dit doucement: Charles, Charles, Charles, Charles, elle est meilleure. Charles, Charles, Charles, Charles, un autre a son cœur. Et sans relâche, leur corps se mêle, ils roulent pêle-mêle, tant et si bien qu'elle enfin lui arrache sa grosse moustache, une moustache postiche. Mais elle se fige, elle reconnaît son mari, qui avait pris le filou, gabardine, chaussure à clous, et même l'accent du midi. Elle se jette à son cou et lui dit d'un ton doux: Charles, Charles, Charles, Charles, tu es le meilleur. Charles, Charles, Charles, Charles, je te rends mon cœur. Charles, Charles, Charles, Charles, tu es le meilleur. Charles, Charles, Charles, Charles, je te rends, je te rends, je te rends mon, je te rends, Charles, je te rends mon, je te rends mon. Mon cœur.